les Mickey, ce ne sont pas, comme son nom l'indique, des petites souris de dessin animé prononcées à l'américaine, mais l'acronyme de maladies inflammatoires chroniques intestinales, des maladies découvertes récemment dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui touchent entre 3 et 5% de la population dans les pays industrialisés. Les deux principales Mickey sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, deux maladies auto-immunes qui attaquent le tube digestif du patient par vagues de crise et de rémission et pour lesquelles il n'existe pour l'heure aucun traitement définitif, mais un vaccin testé récemment sur des souris ouvre d'intéressantes pistes prometteuses. Mickey, chronique d'un intestin malade, c'est le programme inflammatoire qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces Mickey, leur découverte, leur évolution, les différentes pistes de recherche fondamentales pour trouver un traitement pérenne, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Benoît Chassin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'équipe à l'INSERM sur les interactions intestin-microbiote. C'est votre équipe qui a publié début décembre dans Nature Communications l'étude sur ce candidat vaccin chez les souris dont il sera évidemment question au cours de cette heure. Et Nathalie Vergniol, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacologue, directrice de recherche à l'INSERM, directrice de l'Institut de recherche en santé digestive et responsable de l'équipe pathophysiologie de l'épithélium intestinal. Mais on commence, eh bien, comme chaque lundi, par faire un tour de l'actualité scientifique du week-end. Et c'est avec Natacha Triou. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. C'est le journal des sciences. Eh bien, le sujet de ce journal du lundi, vous allez nous parler, Natacha, d'un prototype qui permettrait d'extraire de l'oxygène depuis le sol lunaire. Oui, c'est une technologie qui est développée par l'Agence spatiale européenne. Comme on s'approche de plus en plus d'explorations longues, sur la Lune et plus tard sur Mars, l'objectif, c'est de pouvoir utiliser des ressources sur place. C'est plus économique, plus durable, et on peut se lancer sur des durées d'exploration plus longues. On sait que le régolithe lunaire, la poussière à la surface de la Lune, est composée à 45% d'oxygène. L'extraire, cela permettrait donc de fournir de l'oxygène directement sur place. Ce processus est basé sur l'électrolyse, c'est-à-dire sur une décomposition chimique obtenue par stimulation électrique. Pour le moment, c'est testé avec un matériau terrestre synthétique, aux propriétés proches du régolithe lunaire, et le procédé dure en tout 15 heures. La première démonstration est prévue dans quelques mois. Advenit Makaya est ingénieur en fabrication avancée à l'ESA, au Centre européen de technologie spatiale. Il participe à ce projet. Ce prototype est basé sur une méthode d'électrolyse à sel fondu, c'est-à-dire qu'on va mettre la poudre de régolithe dans du sel. Dans ce cas-là, c'est du chlorure de calcium. On va faire chauffer le sel pour qu'il soit liquide et ensuite on va mettre des électrodes pour faire passer un courant dans ce sel. Donc en fait, c'est la méthode de l'électrolyse, comme on casse les molécules d'eau en oxygène et en hydrogène en faisant passer un courant dans l'eau. Là, c'est la même méthode. Il faut savoir que la régolithe est formée d'un mélange d'oxydes, un mélange assez complexe. Donc tous les atomes de la régolithe sont des atomes métalliques qui sont accrochés à des atomes d'oxygène. Et donc en faisant passer le courant, on va casser ces molécules d'oxyde et on va emmener les atomes métalliques d'un côté sur une des électrodes et les atomes d'oxygène de l'autre côté. Et ces atomes d'oxygène vont faire du gaz d'oxygène. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Pour faire fondre le sel, il faut monter jusqu'à 950 degrés. Donc c'est ça qui nous permet de dissoudre la régolithe et de faire passer le courant. Mais les recherches qu'on effectue dans notre centre visent aussi à baisser la température du sel pour que le procédé soit moins gourmand en énergie. Cette étude en particulier, elle vise à nous aider à trouver notre propre source d'oxygène à destination sur la Lune. Oxygène qui va servir soit pour le support de vie, donc pour maintenir les astronautes en vie, soit pour la propulsion, comme l'oxygène peut être utilisé comme carburant pour la propulsion. Et on passe au bref. Les détecteurs LIGO et Virgo ont enregistré d'inhabituelles rafales d'ondes gravitationnelles qui proviennent d'une région proche de Bételgeuse. On parle beaucoup de Bételgeuse en ce moment, la 9e étoile la plus brillante du ciel, à 700 années-lumière de nous. Depuis des mois, sa luminosité s'estompe. La supergéante rouge est l'une des meilleures candidates pour être la prochaine explosion de supernova. C'est possible, mais pas avant 100 000 ans. Cette détection d'ondes gravitationnelles est-elle liée à cet évanouissement ? Pour le moment, les scientifiques ne sont pas en mesure d'en déterminer la cause. Il s'agit peut-être d'une erreur dans les mesures. Statistiquement, cela se produit une fois toutes les 25 ans. Selon le Wall Street Journal, Amazon cherche un moyen de pouvoir payer directement avec nos mains. Et le géant du web lance des recherches en biométrie en partenariat avec Visa, Mastercard et d'autres sociétés financières. L'idée, c'est de développer le paiement sans contact et de pouvoir payer avec nos empreintes digitales. Amazon a déjà déposé un brevet, système d'identification biométrique sans contact, avec un scanner pour la main qui permettrait de relier nos empreintes digitales à nos coordonnées bancaires. Si vous voulez en savoir plus sur les données biométriques, comment on les collecte, comment on les utilise, les failles de sécurité, eh bien c'était le sujet d'une de nos émissions récentes dont on va vous remettre le lien sur le fil Twitter @laméthodeFC. Et enfin Natacha, pour conclure, la tribune signée par plus de 2700 universitaires parue ce matin dans le journal Le Monde. Nous, chercheurs, voulons défendre l'autonomie de la recherche et des formations, c'est le titre de cette tribune. Les signataires parlent d'une gestion de la recherche de type managérial. Il dénonce un formatage bureaucratique de la science par des appels à projets court-termistes qui conduisent à une chute de la qualité et du niveau d'exigence de la production scientifique. Ils sont près de 3000 chercheurs à proposer collectivement leur candidature à la présidence du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Notez que jeudi il sera question de politique de la recherche puisque nous reviendrons sur le dossier de la réforme des retraites, mais du point de vue des chercheurs et des enseignants-chercheurs pour comprendre comment cette réforme peut changer en bien ou en mal la carrière et les fins de carrière notamment des scientifiques. Le 11 décembre dernier, nous ouvrions cette émission par un journal des sciences consacré à une publication dans la revue Nature Communications, étude soumise par un groupe de recherche français de l'INSERM et qui présentait les résultats d'un candidat vaccin pour lutter contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les MICI, candidat vaccin testé avec des résultats très prometteurs sur le modèle murin, sur les souris donc, et cette équipe, Benoît Chastain, c'est la vôtre. Vous étiez d'ailleurs intervenu dans le journal des sciences pour présenter ces résultats. Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler en quelques mots, en quoi il consiste et quels sont les succès que vous avez obtenus qui ont conduit à cette publication ? Alors, ce qu'on sait en fait dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est qu'on a des problèmes de communication entre le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui colonisent notre intestin, et notre intestin lui-même. Et on sait que s'il y a des problèmes de communication entre ces deux éléments, on va pouvoir avoir le développement d'inflammation intestinale chronique, telle que la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Et du coup, on a voulu mettre au point une technique d'immunisation qui ciblait spécifiquement une protéine bactérienne impliquée dans cette communication-là, afin de pouvoir protéger les souris contre l'inflammation intestinale chronique. Alors, on reviendra, parce que là, vous venez de déployer un certain nombre de concepts parfois un peu compliqués qu'on va détailler avant de pouvoir bien comprendre en quoi consiste justement cette publication. On l'a dit, vous avez obtenu des résultats pour le moment sur des modèles animaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez commencé les essais précliniques ? Pas encore les essais précliniques, on a encore des choses à mettre au point. C'était vraiment une étude qu'on appelle preuve de concept, hein, où on a pu mettre en évidence certains mécanismes qu'on envisage et bien sûr d'appliquer à l'homme, mais il nous reste encore beaucoup de travail à faire au laboratoire pour cela. Peut-être un mot, Nathalie Vergnol, aujourd'hui on va réexpliquer bien sûr ce que sont ces maladies intestinales chroniques inflammatoires, mais pour dire que pour les patients qui en sont atteints, il n'y a pour le moment pas de traitement. On peut soulager les symptômes, mais ce sont des maladies pour le moment dont on guérit pas. Alors effectivement, ce sont des maladies dont on ne guérit pas, mais dont il est absolument nécessaire d'avoir un traitement. Ces patients-là ne peuvent se passer de traitement, ils ne peuvent pas réellement ne pas être traités. Alors aujourd'hui, il y a certains traitements qui modifient certains symptômes, pas tous, qui sont efficaces sur certains aspects de la maladie. Vraiment, la complexité de ces maladies, c'est que ce sont des maladies dont on dit qu'elles sont multifactorielles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs facteurs qui amènent à ces maladies. Alors, les gens parlent et pensent toujours aux facteurs génétiques, puisqu'on en parle depuis très très longtemps. Effectivement, dans ces pathologies-là, il y a un facteur génétique, mais le seul facteur génétique ne conduit pas à ces pathologies. Il faut qu'il soit associé à d'autres facteurs. Et parmi ces autres facteurs, il y en a vraiment beaucoup. Il y a des facteurs environnementaux, par exemple. Aujourd'hui, on est à peu près sûr que certains facteurs environnementaux jouent un rôle. Il y a ce dont parlait Nicolas. Ce dont parlait Benoît. Cette communication entre le microbiote et l'hôte, on sait aujourd'hui que ça joue un rôle. Et puis il y a le système immunitaire, la façon dont nos propres mécanismes de défense vont gérer la présence justement de contenu luminal, de microbiote, etc. Et donc face à tous ces facteurs, c'est pour ça que c'est compliqué de proposer des traitements, parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord vraiment l'étiologie de ces pathologies, et qu'ensuite à partir de ça, on propose probablement pas un, mais plusieurs approches thérapeutiques. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h10 sur France Culture, nous allons donc parler tout au long de cette heure des MICI, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nous en parlons avec Benoît Chassin et Nathalie Vergnol. Alors, parce que on entend d'emblée que derrière cet acronyme, il y a plusieurs pathologies. Vous l'avez dit, on parle de deux, la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique. Ce sont les deux principales, mais il y en a plusieurs. Qu'est-ce que ça recouvre exactement, les MICI, Nathalie Vergnol? Alors, ce MICI, littéralement, ça veut dire maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Alors cet aspect de chronicité, c'est vraiment l'aspect majeur. Ce sont des poussées inflammatoires, ce sont des pathologies où on a des poussées inflammatoires qui sont suivies de moments de rémission. Et puis ensuite, une poussée revient. Et c'est comme ça tout au long de la vie. Et c'est pour ça que ce sont des pathologies dramatiques pour les patients qui en souffrent. Elles peuvent apparaître assez jeunes, chez les enfants, à l'adolescence. Elles peuvent aussi apparaître plus tard, à l'âge adulte, mais en tout cas, elles durent toute la vie. Et en évoluant toujours par ces moments de poussée et de rémission. Benoît Chassin, c'est la symptomatologie, ça fait quoi ces poussées chez les patients concrètement? Alors, c'est des grosses crises inflammatoires, donc ça dépend un petit peu des pathologies, mais grosses crises inflammatoires, des diarrhées, des maux de ventre, des saignements, donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de choses très, très, très, très invalidantes pour les patients. On dit maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. Pourquoi est-ce que ça n'est pas une seule maladie? C'est-à-dire que les symptômes sont vraiment différents. On a l'impression que c'est une sorte de nébuleuse de symptômes qui sont difficiles à attribuer exactement à l'une ou à l'autre. Exactement. Donc les symptômes sont un petit peu différents. La localisation aussi des maladies va être un petit peu différente. Certains vont avoir une préférence pour toucher l'iléon terminal, le côlon. D'autres vont plutôt exclusivement toucher le côlon. Ça va dépendre aussi des types d'inflammation. C'est-à-dire, est-ce que l'inflammation est sur toute l'épaisseur de l'intestin ou est-ce que l'inflammation est plus superficielle au niveau de l'intestin? Et en fonction de ces critères-là, on va pouvoir classifier entre maladie de Crohn et rectocolite hémorragique. Oui, Nathalie Vergnol. En fait, juste pour abonder dans ce que dit Benoît, la maladie de Crohn, il peut y avoir des atteintes inflammatoires sur tout le tractus digestif. C'est vraiment de la bouche à l'anus. La rectocolite hémorragique, c'est vraiment plutôt du bas vers le haut qu'elle progresse, la maladie. Donc on n'aura pas, par exemple, des atteintes dans le tractus digestif supérieur. Donc ça, c'est un des critères. Mais ceci dit, il peut y avoir des patients qui ont des atteintes basses. Et là, on se pose la question si c'est du Crohn ou de la rectocolite hémorragique. Et effectivement, le Crohn, ce sont des affections transmurales. Donc vraiment, l'inflammation se fait sur toute l'épaisseur de la paroi. Alors que dans le cas de la rectocolite hémorragique, c'est vraiment une atteinte de la muqueuse plus. Donc on arrive à bien les caractériser d'un point de vue histologique. On fait des prélèvements, on arrive en général assez rapidement à caractériser l'une de l'autre. Comment justement on effectue un diagnostic différentiel sur ces maladies, Benoît Chassin? C'est beaucoup basé sur l'endoscopie, donc on a des choses non invasives, donc des prises de sang, des analyses dans les selles qui nous permettent d'avoir une première idée des types de pathologies et des types d'inflammations qui ont lieu. C'est l'endoscopie et la colonoscopie, l'endoscopie qui sont requis pour le premier diagnostic de la pathologie. C'est-à-dire qu'on va chercher évidemment du matériel immunitaire en surnombre particulier qui a certaines cibles spécifiques. Dans les prélèvements sanguins, je veux dire. Dans les prélèvements sanguins, on va regarder, par exemple, la CRP, qui est une molécule qui permet de quantifier un petit peu l'inflammation. On va pouvoir voir aussi dans les selles certaines molécules inflammatoires. On va regarder aussi quels sont les symptômes du patient. Mais encore une fois, voilà, ce sera tout ça. Le diagnostic final sera posé par la colonoscopie ou l'endoscopie. Quelle est aujourd'hui l'épidémiologie de ces maladies, Nathalie Vergnol? Je lisais alors que finalement leur diagnostic terminal est assez récent dans l'histoire de la médecine. Ce sont des maladies qu'on a commencé à identifier, je parle sous votre contrôle évidemment, plutôt dans la deuxième partie du XXe siècle. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de coliques saignantes, mais il n'y avait pas grand-chose pour pointer exactement ces maladies. Est-ce que c'est vrai? Oui, elles ont été caractérisées finalement assez tardivement, c'est vrai. Mais c'est ce que disait Benoît, elles ont été mieux caractérisées grâce à l'endoscopie. Donc là aussi, c'est une avancée technologique qui a fait qu'on a mieux compris ces maladies-là, même si effectivement, ces épisodes de colite où les médecins comprenaient bien qu'il y avait des inflammations importante, mais là on est vraiment rentré avec l'endoscopie dans une vraie caractérisation. Benoît Chassin. Et en plus de ça, donc c'est très probablement des maladies qui existent depuis très longtemps, depuis des siècles et des siècles, mais l'augmentation de l'incidence et de la prévalence de ces maladies récentes fait qu'on a beaucoup plus étudié ces maladies durant les 50 dernières années par rapport à avant. Alors justement, quelles données épidémiologiques disposons-nous aujourd'hui, Nathalie Vergnol, autour de ces maladies? Qui touchent-elles? Est-ce qu'elles se répartissent de façon équitable? Je sais que ce n'est pas le cas sur face de la planète, mais dites-nous un peu. Alors, ce sont des maladies qui touchent plutôt les pays industrialisés. C'est un petit peu... C'est très net, même. C'est intéressant, d'où effectivement aussi ces études qui ont regardé le rôle de l'environnement, puisque du coup, on a des environnements qui sont très différents dans les pays en voie de développement des pays industrialisés. Ça touche... ces populations-là, d'un point de vue ratio homme-femme, c'est à peu près la même chose. Je l'ai dit tout à l'heure, ça peut commencer jeune, à l'enfance, ou pas. Ça peut commencer également à l'âge adulte. Que dire si ce n'est que peut-être effectivement il y a des pousses. C'est-à-dire quoi, la prévalence générale dans la population, pardon, Benoît Chassin, est-ce qu'on la connaît à peu près? Comme vous l'avez dit, 2, 3 à 5% vraiment dans les pays où il y a le plus fort taux, les pays industrialisés. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi, qui soulève et qui suggère vraiment l'implication de l'environnement, c'est que lors des migrations, quand on voit des gens qui migrent d'un pays avec une très faible prévalence de Mickey et qui migrent vers un pays avec une très forte prévalence de Mickey, comme l'Europe ou l'Amérique du Nord, au bout d'une seule génération, les descendants de ces populations migrantes vont acquérir la prévalence du pays dans lequel elles ont migré. Donc vraiment, ce qui démontre l'impact environnemental de l'environnement, de la pollution et probablement de l'alimentation dans le développement de ces pathologies. Juste pour vous donner un ordre d'idée de chiffres, en France aujourd'hui, il y a environ 300 000 personnes qui souffrent de ces pathologies. Aujourd'hui, elles sont bien diagnostiquées. Vous pensez que, ou est-ce qu'il y a encore une population réserve qui ne se fait pas diagnostiquer? Elles sont en général bien diagnostiquées. Alors, ce qu'on voit souvent, c'est un diagnostic qui prend un petit peu de temps parce qu'on les classe ailleurs au départ. On les classe notamment dans ces pathologies qu'on appelle le syndrome du côlon irritable pendant quelques temps. Et puis après, vraiment dans des phases de poussée où on voit une poussée inflammatoire majeure, là on est sûr qu'on est dans ce type de pathologie là. Mais vraiment, ça, c'est diagnostiqué relativement rapidement aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, Benoît Chassin, concrètement, si on ouvre un peu le capot pour regarder à l'intérieur, au niveau cellulaire dans le système digestif, de façon générale, et puis ensuite on pourra spécifier RCH, donc rectocolite hémorragique ou maladie de Crohn? Alors, d'une manière un petit peu générale, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin vont être une réponse immunitaire anormale contre les microbes de notre intestin. Donc, dans notre intestin, on a des milliards et des milliards, on a à peu près 100 000 milliards de bactéries, de virus et de champignons qui nous colonisent, qui sont là et qui jouent de nombreux rôles bénéfiques. Elles vont nous permettre de digérer les aliments qu'on ingère, elles vont nous protéger contre certaines bactéries pathogènes, elles vont produire des vitamines dont on n'est pas capable nous-mêmes de produire, donc vraiment de très nombreux rôles bénéfiques et positifs. Mais dans certains cas, et c'est le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ces bactéries vont se retourner contre nous et on va avoir une réponse immunitaire inflammatoire aberrante contre ces bactéries chroniques, comme leur nom l'indique, qui du coup vont conduire à des poussées inflammatoires au niveau de l'intestin dirigées contre les bactéries de ce type digestif. Donc, Est-ce qu'on peut malgré tout parler de maladies auto-immunes, puisque ce sont des bactéries commensales, c'est pas vraiment nous, mais en même temps c'est un peu nous, enfin tout ça, tout c'est un terme à beaucoup de débats. Tout dépend, est-ce que les bactéries qui colonisent notre intestin font partie de nous, ou sont un élément extérieur? Beaucoup de gens vous diraient oui aujourd'hui. Mais... Donc, dans ce cas, c'est une maladie auto-immune. Voilà. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, Nathalie Vernion, ce qui déclenche une crise, ce qui est à l'origine du début d'une crise, ou de la fin d'une crise par ailleurs, quand elle n'est pas traitée évidemment? Alors clairement, je commence par la fin. La fin d'une crise, c'est quand même très souvent grâce au traitement. Donc ça, il faut s'en féliciter. Le début d'une crise, en fait, on ne sait pas tout. Il y a évidemment des choses qui sont liées au stress, à l'état de fatigue et à l'état finalement de santé ou pseudo-santé du système immunitaire. Ça, c'est assez clair. Maintenant, il y a certains patients qui effectivement disent que certains aliments déclenche certains symptômes. Ça fait partie des choses qu'on a un petit peu de mal à appréhender. Et surtout, ça fait partie des éléments importants pour la recherche aujourd'hui, d'essayer de prévoir ces moments de rechute et d'avoir des marqueurs qui peuvent nous prédire s'il y a une rechute qui va se faire rapidement ou pas. Alors on va voir que l'alimentation a vraisemblablement un rôle, et notamment un certain type d'alimentation. Pour autant, effectivement, comme le disait Nathalie Vernion, différents régimes ont été testés sans aucune forme concluante. En tout cas, il n'y a pas de type d'aliment qui déclencherait, quel qu'il soit, aussi bon ou aussi mauvais qu'il soit d'ailleurs, qui déclencherait des crises à proprement parler, Benoît Chassin. Ouais, tout à fait. Le problème de ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est que donc on a parlé deux d'entre elles, hein, la maladie de Crohn et l'arthrite colitique hémorragique. Et en plus, il y a très probablement plusieurs maladies à l'intérieur de ces classifications. Il y a très probablement plusieurs sous-catégories. Et ce qu'on commence de se rendre compte au laboratoire, notamment, c'est que certains produits ultra transformés, certains facteurs alimentaires vont avoir un impact délétère chez certains patients, mais aucun impact délétère chez d'autres patients. Donc il nous reste encore à faire ce travail de classification et d'identification des patients à risque, notamment pour les facteurs alimentaires. Au niveau du système immunitaire, aujourd'hui, ce sont des populations particulières de lymphocytes qui sont recrutées, c'est tout le système immunitaire, c'est la première réponse, la deuxième réponse, la réponse immédiate, la réponse adaptative. Comment ça se passe en fait, ces crises Nathalie Vernion? Ce sont des pathologies inflammatoires, je dirais, classiques, telles qu'on les voit d'ailleurs dans d'autres organes, hein, avec une infiltration au moment des poussées de polynucléaires neutrophiles, qui sont vraiment les premiers arrivés sur le site inflammatoire. Ils sont ensuite suivis de monocytes, de macrophages, et puis ensuite on a aussi des infiltrations de lymphocytes. Donc c'est vraiment d'abord une réponse inflammatoire absolument classique, et puis qui ensuite rentre dans une espèce de chronicité avec une réponse adaptative. Et on sait aujourd'hui à quel type, si cette réponse immunitaire démesurée, elle s'attaque à un type particulier de bactéries intestinales, on commence à faire le tri entre les bactéries qui sont impliquées dans cette réponse pathologique et les autres? Oui, un petit peu. Donc on arrive à identifier certaines réponses de l'immunité adaptative, c'est-à-dire les moyens de reconnaître cette flore bactérienne. On sait que certains types de bactéries, certains Escherichia coli pathogènes, certains champignons, Candida albicans aussi, vont être reconnus par le système immunitaire au niveau de l'intestin. On ne sait pas, il nous reste encore à identifier est-ce que ce sont vraiment des acteurs clés dans le développement, l'apparition et le développement de ces pathologies. Alors j'aimerais qu'on parle justement un peu de ces facteurs d'apparition de la pathologie. Alors on sait qu'il y a une susceptibilité génétique, notamment sur un variant d'un gène qui augmente très nettement la probabilité de développer une maladie inflammatoire chronique oui, de l'intestin. Oui, effectivement, c'est d'ailleurs une découverte par une équipe française, celle de Jean-Pierre Hugo. Cocorico, dit Benoît Chassin, mais allons-y, on n'est pas obligé de dire à voix basse, disons cocorico à voix haute. Donc oui, ça a été une découverte majeure dans le domaine. Le gène CARD15. Oui, qui code pour Node 2. Node 2. Voilà. Donc ça a mis un petit peu le feu aux poudres pour aller à la recherche de facteurs génétiques. Donc ça a été des études extrêmement importantes. Effectivement, donc tout ça a conduit à identifier des facteurs génétiques. Ceci dit, bon, pour Node 2 par exemple, ça représente à peu près seulement 20% des patients qui ont cette 1 sur 5. Qui sont porteurs de cette mutation. Donc c'est loin d'être le facteur génétique auquel il faut, enfin qui résoudrait tous les problèmes. Donc il y en a d'autres. Hein, depuis, il y a de nombreuses études génétiques qui ont été faites et il y en a plusieurs. Hein, la liste est assez longue en fait. 150. Gènes. C'est ça. 150 gènes ont été identifiés. Il y a de nombreuses équipes qui travaillent là-dessus encore aujourd'hui. De là à ce que cette identification conduise à des thérapies, on est encore un petit peu loin de ces événements-là. Ces 50 gènes, oui, mais avec finalement la prévalence dans ces mutations génétiques est très très faible pour chacun d'entre eux, c'est ça, hein, Benoît Chassin ? Ouais, exactement. Et en plus, c'est ce qui montre vraiment la complexité du système, c'est que pour Node 2, on va augmenter le risque de développer une maladie inflammatoire chronique de l'intestin de 40 fois, il me semble, si je sens bon. Mais encore une fois, la grande majorité des gens qui sont mutés pour Node 2 ne développeront jamais de maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Donc il y a d'autres facteurs, et c'est une combinaison de plusieurs facteurs montrant vraiment la complexité de ces maladies. Et alors, il y a la grande question tout de même, qui est celle des facteurs environnementaux, puisqu'on parlait de nourriture. Alors effectivement, il n'y a pas de régime qui fonctionne. Hein, on peut même, quand on développe une maladie inflammatoire de l'intestin, on se dit, mon Dieu, il va falloir que je mange plus que du riz, des légumes, de l'eau. Pas du tout, on peut boire du café, de l'alcool, des choses ultra transformées. A priori, encore une fois, jusqu'à preuve du contraire, ça n'a pas d'influence. Néanmoins, il y a tout de même dans l'alimentation, Benoît Chassin, certains additifs qui pourraient avoir un rôle ou être lié à ces maladies. Ouais, exactement. Donc nous, on travaille beaucoup sur les agents émulsifiants au laboratoire, qui sont vraiment très largement utilisés par les agents émulsifiants. Émulsifiants. Qui servent à quoi, en gros, pour la nourriture? La lécithine de soja ou ce genre de molécules qui servent en fait à stabiliser les émulsions et à augmenter l'espérance de vie des produits emballés. Donc tout produit emballé, barre chocolatée, produit issu de grandes surfaces, ultra transformé, contiendra des additifs de ce genre d'additifs alimentaires. Les yaourts, les fromages, tout ça? Non, pas les yaourts, les fromages, mais du moins certains laits, les laits d'amandes, les laits de soja, les choses comme ça vont avoir des agents émulsifiants pour stabiliser tout ça. Et ce qu'on a pu montrer au laboratoire, c'est que ça allait impacter directement le microbiote, ça allait directement aller tuer certaines bactéries de notre microbiote, diminuer la proportion des bactéries bénéfiques, favoriser et augmenter la proportion des bactéries négatives et délétères, et ce qui allait conduire au développement d'inflammation intestinale chez la souris. Ça, c'est pour Nathalie Vergniaud, peut-être une réaction sur les additifs en règle générale, hein, parce qu'il y a les émulsifiants, on parle aussi des colorants qui pourraient avoir ce type d'effet. Oui, effectivement, il y a aujourd'hui de nombreux laboratoires qui travaillent sur tel ou tel additif alimentaire et regarder donc dans différents modèles les effets de ces additifs avec les modèles qu'on a en laboratoire. Donc c'est peut-être pas les meilleurs modèles pour avoir des réponses définitives en tout cas et faire des recommandations aujourd'hui encore. Ce que je veux dire, c'est que ces additifs alimentaires, on en trouve partout, tout le monde en consomme au quotidien. Pourtant, tout le monde ne développe pas de Mickey, donc est-ce qu'il y a des seuils? Pourquoi est-ce que certaines personnes y sont susceptibles? Est-ce qu'on a des éléments de réponse à ça, Benoît Chassin? Alors ça c'est une très bonne question à laquelle on essaie de travailler, on essaie de répondre. Et très probablement, nous ce qu'on s'est rendu compte au laboratoire concernant ces agents émulsifiants-là, c'est qu'ils ciblaient les microbiotes, mais pas tous les microbiotes. Et on est en train d'identifier certains microbiotes chez certains patients qui sont complètement résistants à ces additifs alimentaires, et d'autres microbiotes chez d'autres patients qui sont très susceptibles à l'action négative de ces agents émulsifiants-là. Donc on pourrait penser, hein, dans le futur, à identifier quels sont les patients qui bénéficieraient d'un arrêt de consommation de ces agents émulsifiants. Mais encore une fois, la maladie de Crohn n'est pas causée par ces additifs-là, mais est-ce que c'est un facteur aggravant, un facteur qui peut déclencher l'apparition de la maladie chez certains patients? Très probablement. Très probablement, mais la question là aussi se situe de la limite, du tipping point, du point de bascule. Pourquoi est-ce que, on a consommé, je ne sais pas, un type de gâteau, un type d'additif pendant toute son adolescence, tout son âge adulte, et puis d'un seul coup, on bascule, d'un seul coup, la maladie se déclenche. Est-ce qu'on a des éléments de réponse là-dessus, Nathalie Vergniaud? Non, vraiment, aujourd'hui, on n'a pas des éléments où on peut dire tel produit, on ne peut pas le consommer plus de fois par jour, par semaine, si on ne veut pas être exposé. Puis vous l'avez évoqué. Ce qu'on se demande aussi, c'est finalement à quel moment l'exposition à ces produits peut être le plus dangereuse. Est-ce que c'est parce qu'à l'âge adulte, on est surexposé, ou est-ce que des expositions prénatales seraient justement plus importante. Tout ça fait partie des questions qu'on a. Et juste pour aussi rajouter au nombre de questions que les scientifiques se posent, c'est que ces additifs, on se pose aussi la question s'ils ont un rôle sur le microbiote, c'est ce que cherche Benoît, ou s'ils ont un rôle plutôt sur l'hôte et la réponse immune de l'hôte, par exemple, voire sur les deux. Donc, encore une fois, ça augmente le degré de complexité sur ce genre d'études. On parle des additifs alimentaires, il y a d'autres facteurs environnementaux. Vous évoquiez tout à l'heure la pollution, Benoît Chassin, alors la pollution c'est beaucoup de choses. Est-ce qu'on a des molécules en particulier dont on sait qu'elles pourraient déclencher une réponse immunitaire et une maladie inflammatoire? Oui, donc il y a des études en cours hein, aux États-Unis notamment, puisqu'on sait que la proportion de ces maladies va être aussi augmentée donc dans les pays industrialisés, comme on le disait, mais aussi dans les grandes villes par rapport aux zones un petit peu plus rurales. Et du coup, il y a des études visant à comprendre est-ce que la pollution atmosphérique peut avoir un impact sur le développement de ces maladies. On n'a pas encore les réponses claires, mais il semblerait que ça puisse être un facteur aggravant, un facteur supplémentaire. Maintenant qu'on a fait un peu le tour hein, de ces maladies, de nombreuses questions qui sont en suspens, ça nous donne évidemment un aperçu de la complexité des réponses thérapeutiques à y apporter. Pourtant, plusieurs pistes de recherche, celles développées par Benoît Chassin, mais vous allez voir qu'il y en a d'autres, c'est ce que nous avons évoqué dans la deuxième partie de l'émission. Said, look at little boy, ain't that a crying shame? I said, why? He said, oh, ooh, ouch, ooh, ouch, ooh, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch, ouch. He said, I got a stomachache. Got a stomachache, j'ai un peu mal à l'estomac. C'est le titre de ce morceau de Junior Well sur France Culture à 16h30. Puisque nous parlons des MICI, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, nous en parlons en compagnie de Benoît Chassin, qui est chef d'équipe à l'INSERM sur les interactions intestin-microbiote, et Nathalie Vergniol, qui est pharmacologue et directrice de recherche à l'INSERM et directrice de l'Institut de recherche en santé digestive. Nous allons donc, eh bien, dans cette deuxième partie, nous intéresser aux pistes de recherche thérapeutiques pour traiter les MICI. Et avant d'en venir à la vaccination et aux travaux de votre équipe, Benoît Chassin, qu'on va pouvoir détailler un peu plus maintenant qu'on connaît mieux et qu'on a mieux compris ces MICI, eh bien, nous allons nous intéresser à une autre piste, celle de l'appendice en tant qu'organe d'éducation du système immunitaire. Et c'est l'objet de votre reportage du jour, Tom Mundensog. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Effectivement, les personnes qui ont eu une appendicite avant 20 ans sont protégées de la rectocolite hémorragique et l'appendicectomie soulage les inflammations de ceux qui sont déjà atteints de cette maladie. Mais quand ces malades n'avaient pas eu d'appendicite, le risque d'avoir un cancer colorectal augmente de manière importante. À la faculté de médecine, Xavier Bichat, Maxime Collard et Julien Tourneur-Marcy de l'équipe du Labex Inflamex étudient ces liens de cause à effet grâce à des souris à qui on induit une colite et injecte des agents pro-cancérigènes. En observant leur microbiote, l'évolution de la maladie et le développement de cancer, ils pourront nous dire si l'appendice joue bien un rôle de fusible contre les MICI et ses douloureux symptômes. « Là, voilà, on a dans cette cage 5 souris qui ont été opérées donc de l'appendicectomie. Et suite à quoi, elles ont aussi eu une injection d'un agent procancérigène au niveau du côlon. Et on leur donne après régulièrement de l'eau avec un produit qui crée une inflammation du côlon. Donc c'est ce qu'on appelle un modèle murin de cancer sur inflammation chronique. Et donc c'est par ce moyen-là qu'on essaie de comprendre et d'explorer le mécanisme et le lien entre appendicectomie et cancer sur inflammation chronique. Alors quel lien entre la colite et les Mickey chez l'homme? Qu'est-ce qui permet de faire un parallèle sur ces maladies? La colite, c'est un terme qui signifie inflammation du côlon. Sur ce modèle, c'est un modèle qui est très proche en fait de la rectocolite hémorragique. Certaines formes de maladies de Crohn peuvent avoir des atteintes au niveau du côlon qui sont plus souvent segmentaires, moins étendues que dans la rectocolite hémorragique. Par ce mécanisme, elles ont des atteintes inflammatoires du côlon qui sont des formes de colite. Mais la forme du modèle animal qu'on utilise, par son étendue et la localisation exclusive au niveau du côlon qui ne s'étend pas notamment à l'intestin grêle et aux autres segments du tube digestif, font un modèle qui se rapproche plus de la rectocolite hémorragique que de la maladie de Crohn. Là, on va peser une à une les souris et aussi les examiner, voir évaluer leur bien-être, voir est-ce qu'elles présentent des signes de douleur. Auquel cas, on pourrait leur injecter notamment des antalgiques. Et voilà, on surveille donc leur poids. Donc là, on voit que cette souris pesait hier un peu plus de 23 grammes. Elle est aujourd'hui à 22 grammes. Elles sont en cours de traitement pour leur créer donc cette inflammation. On voit qu'elle perd un peu de poids de façon raisonnable. Et donc, on reproduit bien le tableau clinique de ces colites avec une perte de poids chez la souris. Et donc, on compare en fait la perte de poids liée au modèle donc d'inflammation chronique chez la souris pour voir est-ce que finalement les souris après appendicectomie perdent moins de poids que les souris qui n'ont pas eu cette appendicectomie, ce qui irait dans le sens d'une protection contre la colite liée à l'appendicectomie. Du coup, là, les souris qui ont été isolées ont fait quelques selles. Du coup, on les a récupérées dans des tubes qui sont des tubes cryogènes, faits pour supporter des températures extrêmement froides. Et ensuite, ces tubes, je vais les plonger dans l'azote liquide qu'on a récupéré tout à l'heure. Et du coup, la congélation est instantanée. Donc en fait, il y a une moitié de souris à qui on a enlevé l'appendice, une autre à qui on l'a laissé. Chez les deux, on a développé une colite et un cancer colorectal semblable à ce qu'on peut voir chez les hommes qui ont des Mickey. Et ensuite, on va observer leur microbiote pour voir s'il y a une différence entre les deux. Effectivement, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà, il y a effectivement observé le phénotype. Est-ce que l'appendicectomie augmente le risque de cancer mais diminue la colite? Et on s'intéresse aussi surtout à comprendre le mécanisme. Et pour ça, on a plusieurs hypothèses. Une des hypothèses parmi beaucoup d'hypothèses qu'on teste, c'est est-ce que le microbiote serait la cause? Est-ce que finalement l'appendicectomie va créer des modifications peut-être liées à l'inflammation aiguë, des modifications des bactéries, et est-ce que ça va sélectionner des bactéries qui auraient un potentiel anti-inflammatoire ou pro-tumoral? Voilà, c'est une des hypothèses des mécanismes, c'est évidemment pas la seule, et on teste plusieurs pistes pour essayer de mieux comprendre le lien. Là, on est autour des frigos qui sont donc à moins 80, et donc on va transférer les tubes dans lesquels il y a les selles qui ont été mis donc dans l'azote liquide. On va les transférer dans ces frigos pour les garder à moins 80. Et lorsqu'on sera prêt pour faire l'analyse du microbiote, on pourra les sortir et les analyser et faire vraiment une journée ou même plusieurs jours dédiés à cette manipulation expérimentale. Donc là, on est au microscope et en fait, on analyse les colons des souris une fois qu'elles ont été sacrifiées. Et on regarde en fait les atteintes inflammatoires. On est aidé des médecins, les anatomopathologistes, et on regarde aussi les lésions tumorales ou dysplasiques, donc ces dégénérescences pré-tumorales dans le côlon. Là, ce qu'on a sous les yeux, on voit de nombreuses lésions dysplasiques, ce qui signe l'efficacité du modèle. En tout cas, on a bien réussi à produire ces lésions développées sur inflammation chronique. Il va falloir qu'on effectue un traitement d'information pour voir s'il y a une différence dans le nombre, dans la surface tumorale entre le groupe appendicectomie et le groupe contrôle. Pour ça, on est aidé d'informaticiens, d'ingénieurs en informatique, où on effectue avec des logiciels assez sophistiqués de l'analyse d'images, où on entoure les lésions, et le logiciel va être capable de quantifier la surface tumorale, la surface totale du côlon, les lésions où il y a de la colite, ce qui permet d'avoir vraiment une évaluation objective et de pouvoir quantifier, de faire après des analyses statistiques pour voir si effectivement il y a une différence ou non statistiquement significative sur le nombre de tumeurs entre les deux groupes. Voilà ce reportage du jour à propos de cette piste de l'appendicite dans la recherche de traitement pour guérir des Mickey. Peut-être un mot, Benoît Chassin, à propos de cette piste de recherche ? C'est très intéressant, très prometteur, et une fois qu'on connaîtra les mécanismes de cette protection, ça peut en effet conduire à une nouvelle piste thérapeutique chez l'homme. Nathalie Vergnol ? Oui, c'est effectivement extrêmement intéressant et prometteur. Ça fait partie des pistes aujourd'hui qui sont regardées, la piste du microbiote et comment, en modifiant le microbiote ou en identifiant la présence de certaines bactéries pathogènes, on peut modifier le cours de la maladie. Ça fait partie des pistes. C'est évidemment pas la seule piste. Faut pas imaginer qu'on va traiter ces maladies en agissant uniquement sur le microbiote, mais ce sont des pistes importantes d'accompagnement. Oui. On va reparler tout à l'heure justement du microbiote et notamment des transplantations, ce qu'on appelle les greffes fécales. Alors je sais que l'expression peut être un peu curieuse, mais néanmoins ça peut être prometteur dans certaines pistes. Peut-être juste deux mots tout de même à propos de ce reportage. On entendait dans le reportage, Benoît Chassin, qu'une appendicectomie avant 20 ans, c'était la garantie de ne pas développer de RCH ou de Mickey. C'est pas sûr, c'est pas vrai à 100%. Je pense pas que la pénétrance soit de 100%, non, on va pouvoir, et c'est exactement comme les facteurs de prédisposition génétique, où en fait ça va augmenter le risque, diminuer le risque pour l'appendicectomie, mais ce sera jamais des pénétrances totales et ce sera jamais 100% de protection ou 100% de risque. On entendait aussi quelque chose d'important qu'on n'a pas abordé en première partie de cette émission dans ce reportage, c'est le lien entre les Mickey et le cancer aujourd'hui. Qui veut me répondre là-dessus? Qu'est-ce qu'on en sait, Nathalie Vergnol? Ce qu'on sait, c'est que un état inflammatoire chronique, et ça, un petit peu quel que soit le tissu, c'est jamais bon pour un tissu et pour les cellules, et en particulier les cellules souches du tissu, qui sont exposées comme ça en permanence à une agression. Et donc ces cellules sont à risque tout d'un coup de développer une mutation, et c'est ce qui, on le sait, est à l'origine de cancer. Donc l'inflammation chronique qui a lieu dans ces tissus-là, on le sait, c'est un facteur prédisposant pour le développement de cancer. D'autant qu'il y a des cellules souches épithéliales dans l'intestin. Alors d'autant que effectivement l'intestin, c'est un lieu prépondérant pour les cellules souches. Il y en a d'extrêmement nombreuses. De différentes variétés. Exactement, de différentes variétés. Elles sont très nombreuses et donc effectivement leur exposition à l'inflammation peut conduire à ce genre de choses. Benoît Chassin, parce qu'il y avait, si vous voulez, une sorte de rapport risque-bénéfice avec des traitements anti-inflammatoires dont on dit qu'ils sont eux aussi assez mauvais pour l'organisme, voire cancérigènes à long terme. Ouais, mais l'effet négatif de l'inflammation à long terme et l'augmentation du risque de cancer colorectal chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin est vraiment très très fort. L'augmentation, vous l'avez en tête ? Non, je ne souviens plus des chiffres, mais vraiment, c'est des patients qui, la population générale, n'est pas suivie régulièrement pour le cancer colorectal, tandis que chez les patients qui ont des Mickey, ils vont vraiment être suivis pour cela, puisqu'on sait qu'ils ont vraiment un risque qui est très très fortement augmenté. Donc arriver à moduler l'inflammation intestinale durant toute leur vie sur ces pathologies Mickey, ça va être vraiment très très important pour diminuer ce risque. Aujourd'hui, de quel arsenal pharmacologique et thérapeutique dispose-t-on pour traiter, pour soulager les patients qui souffrent de Mickey, Nathalie Vergnol? Alors il y a plusieurs niveaux de traitement parce qu'il y a plusieurs niveaux de maladies. Il y a des maladies qui sont relativement à bas bruit et puis il y a des maladies qui sont plutôt modérées avec un petit peu plus d'inflammation et puis il y a des maladies très sévères. Donc ça tout va dépendre un petit peu de l'état de pousser. Et donc, les praticiens hospitaliers ont différentes options. Pour tout ce qui est assez léger, aujourd'hui, on utilise surtout une molécule qu'on appelle le 5-ASA, qui est un anti-inflammatoire, qui marche bien, surtout sur la RCH. Pour des choses un petit peu plus modérées, voire sévères, la deuxième ligne, c'est vraiment des corticoïdes. Donc ça, les corticoïdes, on le sait, c'est des anti-inflammatoires extrêmement puissants. Le problème, c'est leurs effets secondaires, parce qu'ils agissent sur beaucoup de choses en même temps. Mais n'empêche que pour réduire une inflammation, ils sont majeurs et très efficaces. Et puis après, il y a aussi aujourd'hui la ligne des molécules biologiques, et notamment des anticorps, les anti-TNF. C'est aujourd'hui aussi une ligne importante de traitement pour des formes sévères notamment. Bien qu'aujourd'hui, on commence à traiter aussi des formes moins sévères, essayer de voir si ces traitements-là, en commençant par des traitements importants, imposants, d'emblée, on peut pas justement se débarrasser le plus longtemps possible de la maladie. Donc une sorte de thérapie choc initiale. Exactement. Mmh. Donc il y a des choses qui sont en cours là-dessus. Il y a d'autres après biothérapies qui ont été développées, je dirais dans les 6-7 dernières années. Aujourd'hui, il y a des anticorps anti-molécules d'adhésion, par exemple. C'est-à-dire ? Alors les molécules d'adhésion. Ce sont des molécules qui vont être exprimées par les cellules inflammatoires d'une part et par les cellules de nos vaisseaux d'autre part. Et lors d'une réponse inflammatoire, on a donc toutes les cellules inflammatoires qui sont recrutées pour une espèce d'adhésion. Elles adhèrent au vaisseau sanguin et elles vont comme ça envahir grâce à cette adhésion qui ralentit en fait leur vitesse dans le flot sanguin. Donc grâce à cette adhésion, elles migrent à travers le vaisseau sanguin et vont dans les tissus, envahir les tissus et donc avoir cet effet. Déclencher l'inflammation. C'est ce qu'on appelle, c'est le signe de la réponse inflammatoire, l'infiltration de ces cellules-là. Et donc, des anticorps qui vont empêcher ces molécules d'adhésion d'adhérer, en fait, qui vont empêcher ces cellules inflammatoires de faire du rolling sur, et de l'adhésion sur les vaisseaux, ça va empêcher le recrutement de ces cellules inflammatoires. Donc, c'est une approche thérapeutique qui vise à empêcher l'arrivée de toutes ces cellules inflammatoires dans les tissus. Donc ça, ce sont des thérapies qui sont assez récentes et qui marchent pas mal. Il y a d'autres thérapies aujourd'hui, des anti-cytokines. Les cytokines, ce sont des molécules justement sécrétées par ces cellules inflammatoires. Donc il y a, pour entrer dans les détails, des anti-IL-12, des anti-IL-23, IL c'est pour interleukine, qui aujourd'hui sont vraiment en phase de développement, toujours à base d'anticorps. Donc ce sont des anticorps dirigés contre ces molécules qui sont en développement. Donc il y a vraiment en permanence de nouvelles approches thérapeutiques qui sont proposées. Des approches également d'immunorégulation, Benoît Chassin? Ouais, donc on essaie aussi de pouvoir moduler un petit peu le système immunitaire, essayer d'éviter cette réponse anormale contre le microbiote intestinal et d'essayer d'éviter cette inflammation intestinale chronique. Et comme l'a très bien dit Nathalie, tout ça, on ne traite pas encore la maladie malheureusement. On ne fait que traiter les symptômes, on ne fait qu'essayer de diminuer l'inflammation intestinale, mais la maladie reste, la maladie perdure, et on ne guérit à l'heure actuelle toujours pas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Quels sont, alors j'aimerais qu'on parle évidemment un peu de recherche fondamentale. J'ai vu notamment, il était question de traitement via des anticorps monoclonaux, c'est ce dont vous me parliez, Nathalie Vergnol. Alors aujourd'hui, tout l'arsenal de traitement, effectivement, utilise beaucoup les anticorps monoclonaux, principalement monoclonaux d'ailleurs. Mais c'est vraiment... Anticorps monoclonaux, on peut rappeler que ce sont des souches d'anticorps qui sont produites en laboratoire et qui permettent d'intervenir, de faire de l'immunothérapie. On va vous mettre les liens vers les émissions consacrées à l'immunothérapie si vous êtes curieux de ces techniques ou vous n'en avez pas encore entendu parler. Oui, donc c'est en fait une façon d'aller cibler très spécifiquement certaines voies. Donc effectivement, ce sont aujourd'hui des lignes de thérapie qui sont de plus en plus développées pour cibler des voies spécifiques. On a tendance à penser qu'elles ont moins d'effets secondaires que d'autres parce qu'elles sont très spécifiques. C'est pas totalement vrai, parce que ça reste des anticorps, donc du non-soi. Donc ça peut poser aussi ce problème-là. Mais ceci dit, elles vont vraiment être très spécifiques de certaines voies, comparées aux corticoïdes, par exemple, qui, eux, vont toucher très très large. Ouais. Quid également des transplantations ou des greffes fécales? On sait que dans des cas de perturbation du microbiote intestinal, ça a donné d'assez bons résultats. Ça a donné des bons résultats, par exemple, sur des traitements du diabète, de l'obésité, qu'on peut commencer à faire ce type de transplantation d'un microbiote malade, enfin d'un microbiote sain dans un microbiote malade. Est-ce que ça donne des résultats pour les Mickey Benoît Chassin? Alors, il y a beaucoup de travaux à l'heure actuelle sur beaucoup d'efforts de recherche à l'heure actuelle sur ces questions. C'est pas encore utilisé en maladie inflammatoire chronique de l'intestin, mais là aussi on peut citer certaines recherches qui sont effectuées en France, notamment par le professeur Harry Sokol, sur ces thématiques-là, et qui montrent que, en effet, chez certains types de patients, chez certains, encore une fois, sous-groupes de pathologies, on va pouvoir avoir des effets bénéfiques sur le temps de rémission et sur ralentir et retarder au plus possible la réapparition de la maladie en faisant des transplantations de flore. On voit bien que dans ces cas-là, on arrive vraiment vers ce qu'on appelle de la médecine individualisé, c'est-à-dire que évidemment compte tenu de l'aspect multifactoriel de ces maladies, eh bien certains traitements vont être très efficaces sur un sous-groupe relativement faible de patients et très inefficaces pour le reste. Nathalie Vergniol. C'est effectivement aujourd'hui un des grands défis de la recherche, parce que ce dont on s'aperçoit aujourd'hui en voyant les premières études qui sont faites avec ces transplantations fécales, c'est que ça marche pas chez tout le monde, ça marche pas de la même façon. Et donc, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il faut stratifier les patients. Il faut déterminer, essayer de prévoir à l'avance dans tel groupe de patients, de sous-groupe de patients, ça va pouvoir avoir un effet. Et surtout qu'on comprenne pourquoi ce sous-groupe de patients va être plus susceptible de répondre qu'un autre. Donc là, ça fait partie vraiment des grands défis de la recherche. L'autre défi, c'est vraiment de comprendre, mais qu'est-ce que c'est un bon microbiote? Est-ce qu'un bon microbiote pour moi va être un bon microbiote pour mon voisin? Ça, ce sont aujourd'hui des questions auxquelles on n'a pas totalement répondu. J'aimerais qu'on dise maintenant qu'on a tous ces éléments en tête et en main, Benoît Chassin, qu'on dise un peu plus de mots à propos de vos travaux et de ce vaccin anti-flagelline. Comment est-ce que vous êtes arrivé sur cette piste de la flagelline? Qu'est-ce que c'est exactement? Et du coup, expliquez-nous un peu la mécanique cellulaire qui est à l'œuvre derrière vos travaux. Alors, ce qu'on avait pu montrer au laboratoire dans différents modèles de maladies inflammatoires chroniques, mais également chez l'homme dans certaines maladies inflammatoires chroniques, on avait pu montrer que le microbiote intestinal était altéré et que ce microbiote intestinal, pour des raisons dont on ignore encore vraiment la cause et les mécanismes, allait pénétrer la couche de mucus qui est à la surface de notre intestin. Donc, vous savez, on a à la surface de notre intestin, on a une couche de mucus qui forme comme un gel à la surface de cet intestin qui doit rester stérile et qui forme un espèce de no man's land, une zone stérile et qui nous protège contre les bactéries de notre microbiote. Et ce qu'on avait montré, c'est que dans différents modèles de maladies inflammatoires chroniques, on a des bactéries qui pénètrent cette couche de mucus, qui viennent en contact avec l'épithélium et qui vont pouvoir induire l'inflammation. Et on sait que ce mécanisme-là est lié à l'expression par certaines bactéries de flagelles. Donc c'est des petits poils, des petits cheveux qui sont exprimés à la surface de la bactérie, qui jouent un rôle dans la mobilité, qui leur permettent justement de pénétrer cette couche de mucus et de venir induire l'inflammation. Donc on a voulu mettre en place un système d'immunisation avec la flagelline où on traite avec de la flagelline de manière à avoir une réponse anticorps dirigée contre la flagelline, de manière à bloquer ces flagelles, et de manière à prévenir... La flagelline, c'est la protéine qui constitue les flagelles. La flagelline, c'est la protéine. C'est une majoritaire qui constitue les flagelles. Et du coup, ça marchait très bien, c'est-à-dire qu'en immunisant les souris avec la flagelline, on avait une réponse anticorps dirigée contre ces flagelles. Les bactéries ne pouvaient plus pénétrer la couche de mucus. Et en modèle murin, on protégeait contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Mais je suppose que la flagelline est exprimée sur toute une variété de bactéries et pas uniquement sur ces bactéries propathogènes des Mickey. Donc ça, on est encore en train de travailler sur ça. On est en train d'essayer d'identifier quel type de bactéries il faut cibler spécifiquement. On essaie aussi de voir est-ce que toutes les flagellines fonctionnent de la même manière. Est-ce qu'on peut pas immuniser avec des sous-types particuliers de flagelline. Mais en tout cas, ce qu'on a pu montrer au laboratoire, c'est vraiment que de re-rendre de rendre cette couche de mucus stérile permettait vraiment de protéger contre le développement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Nathalie Vergniol, sur ces travaux qui sont une vraie piste intéressante en tout cas, de vaccin qui serait un vaccin prophylactique ou thérapeutique d'ailleurs, Benoît Chassin? Alors pour le moment, on n'a fait que en prophylactique. On pense que chez l'homme, ce serait la même manière. Ce qu'il nous reste à faire, donc il nous reste à faire beaucoup de choses, notamment d'avoir une immunisation vraiment ciblée de la muqueuse. Et ce qu'on veut essayer aussi de mettre en place, c'est d'identifier, comme le mentionnait Nathalie, comme on en a beaucoup parlé pendant cette émission, c'est d'identifier les sous-groupes de patients qui pourront en bénéficier, et notamment quels sont les sous-groupes de patients qui possèdent ce genre de bactéries qui pénètrent la couche de mucus. Mettre en place ces thérapies vaccinales de manière à protéger l'apparition de la maladie. Mais alors, ça veut dire que vous recruteriez comment les patients? Parce que ça veut dire que ce sont des patients que vous recruteriez non malades, donc ça veut dire que sur une cohorte, comment est-ce que ça se passerait? À risque, donc il y a plusieurs outils qui sont en train de se développer pour identifier les patients qui sont à risque, en utilisant des outils de profilage génétique ou alors en utilisant des outils de profilage du microbiote. Donc utiliser ces patients à risque, les identifier et mettre en place cette thérapie vaccinale de manière à protéger contre l'apparition de la maladie. Nathalie Vergniol. Alors oui, on le disait tout à l'heure, hein, toutes ces approches qui visent à comprendre comment le microbiote tout d'un coup va devenir invasif et comment est-ce qu'on peut empêcher ça, ce sont des approches thérapeutiques extrêmement intéressantes et qui vont être fondamentales pour aider à la réparation des tissus. Ça, c'est un autre aspect aujourd'hui qui est important dans les MIKI, parce que c'est vraiment le nouveau champ de recherche. Aujourd'hui, réduire une réaction inflammatoire, on sait faire. On a des médicaments pour ça. On arrive à empêcher une poussée inflammatoire ou au moins la réduire très vite. Par contre, ce qu'on ne sait pas faire, c'est réparer les tissus suffisamment vite. Et dans le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, les tissus non réparés, donc on a un intestin qui fait pas son rôle de barrière, on a un contenu luminal qui passe, avec des bactéries qui passent, et ça entretient en fait le système immunitaire. Donc le vrai défi aujourd'hui, en plus, c'est vraiment de réparer ce tissu le plus rapidement possible. Alors non seulement de le réparer physiquement et qu'on voit en fait que à l'endoscope qu'il n'y a plus de lésions, mais au-delà de ça, il faut réparer sa fonction. Et ça, c'est plus compliqué. Faire en sorte que ce tissu redevienne imperméable, exerce sa fonction de barrière, exerce ses fonctions de sécrétion, exerce ses fonctions de reconnaissance de ce qu'il y a dans le contenu luminal, de ce qui va laisser passer, de ce qui ne va pas laisser passer. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont aujourd'hui le défi de la recherche. Réparer le tissu, et c'est le défi dans toutes les maladies inflammatoires chroniques. Et c'est du complément de ce qui existe déjà. Et justement, pour cette fonction réparatrice, on a des pistes aujourd'hui en recherche fondamentale. Il y a des essais précliniques, des tests animaux qui sont en cours. Vous avez connaissance de travaux en particulier ? Alors, il y a des travaux qui sont faits notamment sur la fonction de barrière. Il y a des travaux par Jerry Turner aux États-Unis assez récemment publiés dans Nature Medicine sur des divertines. Ce sont des molécules qui sont impliquées dans la fonction de barrière en fait, qui maintiennent deux cellules collées l'une à l'autre et qui maintiennent donc cette imperméabilité. Donc ils proposent aujourd'hui un traitement là-dessus. Nous au laboratoire, on travaille sur d'autres cibles que sont les protéases. Les protéases, ce sont des protéines qui vont couper d'autres protéines, et on sait que dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, on a vraiment une explosion d'activité protéolytique dans ces tissus et qu'il faut absolument réduire et qu'il faut ramener à un niveau convenable. Par exemple, certaines protéases sont augmentées dans la maladie de Crohn, l'activité de la thrombine, qui est une protéase, est augmentée d'un facteur 100. C'est pas une petite augmentation. Donc ramener ces choses à l'équilibre, ça fait partie... Par quel biais, par quel moyen? Alors, par quel biais, y a plusieurs options. On peut délivrer des inhibiteurs de protéase. Alors, tout dépend de quelle protéase il s'agit. La thrombine, c'est un petit peu délicat parce qu'elle a d'autres rôles, d'autres fonctions. Ceci dit, elle n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui sont en cause. Donc, on peut délivrer des inhibiteurs ou alors on peut favoriser l'expression d'inhibiteurs endogènes parce qu'on a tous les mécanismes qui nous permettent de récupérer un état d'équilibre. De régler les niveaux, oui. De régler les niveaux, exactement. Donc, stimuler ces mécanismes endogènes, c'est une autre façon. On peut même utiliser le microbiote. Utiliser des bactéries qui vont produire des inhibiteurs. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux en tout cas d'être venus nous parler des Mickey. Merci Nathalie Vergniol, merci Benoît Chassin. On suivra évidemment avec beaucoup d'attention vos travaux dans les prochains mois. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique. Vétied, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Ville-France, Céline Lezen, Natacha Triou, Alexandra Delbo, Tom Imdenstock, Olivier Bétard à la réalisation, Audrey Guélil à la technique. Demain, nous lèverons la tête vers le ciel nocturne pour l'admirer tant qu'il est encore temps, avant qu'Elon Musk et consorts ne lancent, eh bien en l'occurrence, c'est plus de 12 000 voire 40 000 microsatellites de sa constellation Starlink, constellation qui inquiète les astronomes et les amoureux de l'espace, mais il n'y a pas qu'Elon Musk, il y a plein de satellites qui vont venir encombrer notre ciel nocturne. Pourquoi faire, dans quelle mesure et peut-on l'empêcher? On en parle demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.